15 ans après le succès de La Horde du Contrevent, Alain Damasio revient avec Les Furtifs, son nouveau roman en poche. En 2040, dans une société ultra-libérale et autoritaire, un homme part sur la piste de mystérieux furtifs à la recherche de sa fille disparue. Avec cette quête, Damasio nous entraîne dans une expérience de lecture unique qui mêle brillamment aventure, émotion, science-fiction, écologie et politique. Les Furtifs d'Alain Damasio, Grand Prix de l'imaginaire, maintenant en poche chez Folio. France Culture, Étienne Klein. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'art de décoïncider selon François Julien. Les physiciens le savent bien, la physique est tout le contraire d'une bureaucratie des apparences. Elle n'a rien d'un plagiat des réalités visibles. Les lois qu'elle énonce ne se déduisent pas du simple spectacle du monde. Car si l'univers est massivement exhibitionniste, il n'est guère pédagogue en matière de lui-même. Mais alors comment le comprendre ? En utilisant notre esprit pour le travailler au corps, pour ainsi dire. Au corps, oui, mais pas dans un corps à corps. En prenant au contraire de la distance. En décollant notre nez des données brutes qu'il nous livre. En décalant notre point de vue. Exemple. Nous avons beau voir que des corps de masse différentes tombent à des vitesses différentes. En vérité, la gravité les fait tous choir exactement à la même vitesse. Ce n'est donc pas un hasard si les grandes percées de la physique ont été réalisées, pour l'essentiel, par des gens qui, tels Galilée, mais chacun à sa façon, ont trouvé le moyen d'effectuer des pas de côté, des écarts de pensée grâce auxquels ils sont parvenus à faire décoïncider le monde d'avec ce qu'il nous montre. Cette pratique fructueuse de la décoïncidence pourrait-elle se généraliser, circuler dans toutes les disciplines, dans l'art par exemple, voire même investir jusqu'à la politique? Pour répondre à ces questions, j'ai invité François Julien. Bonjour François Julien. Bonjour. Vous êtes à la fois philosophe, helléniste et sinologue et vous publiez un ouvrage qui est le prétexte de cette émission qui s'intitule « Politique de la décoïncidence ». Mais avant d'entamer notre discussion, je voudrais, si vous le permettez, honorer la mémoire de Jean-Claude Carrière qui est mort le 8 février dernier dans son sommeil à l'âge de 89 ans. Il avait mené un certain nombre de vies parallèles, écrivain, scénariste, conteur, partageant son hyperactive existence entre le cinéma, le théâtre, la littérature et même la science, notamment l'astrophysique. On se souvient de ses conversations sur l'invisible, ouvrage qu'il avait écrit avec Jean Audouze et Michel Cassé. En décembre 2018, il avait participé de façon très joyeuse à une autre conversation scientifique, la nôtre, une émission que je vous invite à réécouter. Nous avions parlé de l'un de ses tout derniers livres intitulé « La vallée du néant ». Il y était donc question de la mort, de la fin, du néant, du vide. Vide que Jean-Claude Carrière voyait comme un bal de fantômes, une farandole de vapeurs subtiles et anciennes. Aujourd'hui, par le biais du vide qu'il vient lui-même de laisser, on comprend mieux ce qu'il voulait dire par là. Ce qui m'amène, François Julien, à une première question qui n'a pas de rapport direct avec cette question de la décoïncidence, mais... Le néant, est-ce que ça a un sens pour les Chinois? Vous êtes un spécialiste de la pensée chinoise. Est-ce que le non-être a été pensé en Chine? Je vous pose la question parce que j'ai trouvé un cours qu'a donné Emmanuel Lévinas en 1976 à la Sorbonne, dans lequel il conclut plutôt son exposé en disant « Le néant a défié la pensée occidentale », ce qui sous-entend qu'il n'a pas défié la pensée chinoise. Si je peux un peu décoïncider de la philosophie déjà. Européenne, déjà, puisque vous disiez, c'est peut-être un outil assez général que la décoïncidence. Oui, justement, décoïncider de cette grande affaire du néant telle que la philosophie européenne l'a promue depuis les Grecs, à partir du verbe être, donc, l'être, le non-être, le néant, donc une négation de l'être, et le drame qu'aussitôt cela ouvre, cette sorte d'abîme que pour nous est le néant et la pensée du néant. Alors effectivement, si je décoïncide de cela par écart, en me rapprochant d'une pensée, d'abord d'une langue extérieure à l'Europe, le chinois, eh bien je vois cette question du néant se défaire, disparaître. Parce que s'il n'y a pas le verbe être, il n'y a pas son contraire, et donc il n'y a pas ce grand drame de l'être et du non-être, autrement dit du néant. Il y a l'idée que simplement, ce qu'il n'y a pas, c'est pas un « il n'y a pas » au sens d'être, c'est ce qu'il n'y a pas d'actualisé. Ce qu'on dit « ou » en chinois, le « ou » mou en japonais, que Ozu avait fait, enfin, demandé qu'on écrive sur sa tombe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il n'y a pas d'actualisé. C'est le latent, c'est le foncier, c'est ce qui ne s'est pas encore, qui n'a pas encore émergé, c'est le temps d'avant, c'est le temps de l'amorce ou de la gestation. Donc, ce qui est important là, c'est que ça défait cette scène dramatique, sublime d'ailleurs. Je ne critique pas. Simplement, je constate qu'il y a, nous ne pouvons pas ne pas penser cette question du néant et ne pas la penser comme une énigme, alors qu'on peut passer à côté, s'en écarter, et donc décoïncider de ce grand drame du néant que l'Europe, magnifiquement, a forgé. Mais une fois qu'on l'a pensé, on ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut l'éviter que si on ne l'a pas vu, finalement. Ah, je pense que si on s'en écarte, justement en passant par une langue comme la chinoise, qui n'articule pas l'être, donc qui ne rencontre pas la question du non-être, eh bien, non pas on relativise, c'est pas ça. Simplement, on voit que ce sont des possibles de pensée, ce sont des ressources. Il y a une ressource de la pensée du néant, qui est dramatique, et qui donc produit son sublime. Mais il y a d'autres ressources, ce que la Chine pense en termes d'harmonie, ou de régulation, où justement, il n'y a pas cette sorte de choc, comme ça, vif, dramatique, des opposés, mais disons, un processuel qui fait que l'un toujours est dans l'autre. Donc, qui évite cette dimension, critique, dramatique, abyssale, bref, ce grand pathos que nous avons entretenu en Europe à partir du néant. Merci François Julien. Je vous propose qu'on quitte la question de l'être et du non-être et qu'on en vienne à votre livre qui s'intéresse à la décoïncidence et à la politique même de la décoïncidence. J'ai lu plusieurs de vos livres, peut-être pas tous, mais en tout cas pas mal. Et il me semble que c'est votre livre le plus politique. Est-ce que je me trompe ? Non, je crois que mes essais précédents avaient des fins politiques, mais c'était en chemin et à la fin. Là, j'ai pris le parti d'en faire l'enjeu même du livre, dès son départ, pour penser ce que pourrait être une politique de la décoïncidence, d'autant plus que j'avais en vue aussi une association que nous avons créée, sous le titre « Association décoïncidence », et avec ce problème, donc, qu'est-ce que c'est qu'une association qui, et non pas coïncidente, mais décoïncidente, et comme en plus avec un S, donc un pluriel de la décoïncidence, donc il me fallait justifier une entreprise qui est une entreprise, effectivement, d'engagement philosophique, et mais pas par à partir d'un concept, pas en disons ressassant une opinion ou en cherchant disons à comme ça rallier des intérêts divers, non, en essayant de penser ce que pourrait être une association promue dans le pli d'un concept qui, comme vous l'avez dit en commençant, peut être un concept à tous usages, à travers champs, donc qui pourrait justement susciter une ramification, une association à travers cette diversité. Mais dès le prologue de votre livre, François Julien, vous dites, vous parlez de politique dès le début, et vous dites la politique est enlisée. Vous ne dites pas elle s'est enlisée, vous dites elle est enlisée. Ça veut dire qu'il y a une forme, il y a une sorte d'inertie qui la bloque. Et quelle est qu'est-ce que veut dire ce mot enlisée ? Quelle est la source de cette inertie qui empêche que la dynamique s'active ? Je dirais que la politique s'est enlisée parce qu'elle perd le politique. Je distingue les deux ainsi. Enlisée signifie quoi ? Enlisée, c'est qu'il y a de la lise. C'est un terme, je crois, normand ou breton, enfin un terme dérivage, où il y a effectivement l'enlisement dans le sable qui fait qu'on n'avance plus, que ça colle et qu'on ne peut plus émerger, qu'il n'y a plus d'essor. Or, je crois qu'effectivement, la politique en Europe, mais peut-être dans le monde en général, elle est enlisée parce qu'elle ne décolle pas de ce qu'elle est comme ça par en s'abîmant, à savoir la gestion des rapports de force. Or, il y a quelque chose d'autre qui peut faire émerger de cela, qui peut reproduire de l'essor, c'est ce que j'appellerais le politique, tel que les Grecs l'ont conçu déjà, à savoir la pensée de faire du commun. Donc là, il y a quelque chose qui est une dimension d'idéal, qui est donc d'émergence ou d'essor. Mais je crois que, justement, cette dimension du politique s'est trouvée rabattue, et de plus en plus, avec résignation, enlisement, résignation, dans quelque chose qui est la gestation des rapports de force ou des rapports d'image, qui sont autant de rapports de force, et qui fait que quelque chose, bien, comme on dit, désespère de la politique. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être décoïncider de cette résignation dans la politique pour refaire faire réémerger du politique avec cette dimension de, eh bien, oui, d'essor, d'émergence et donc de désaliénation par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais François Julien, vous êtes un intellectuel, ça ne fait aucun doute à mes oreilles. Est-ce que, en vous intéressant à la politique, vous devenez vous-même un intellectuel engagé ? Est-ce que c'est une forme d'engagement ? Parce que vous consacrez pas mal de pages au statut de l'intellectuel engagé. Vous citez les plus classiques, évidemment, Zola, Einstein, d'une certaine façon, qui était une sorte d'intellectuel total. Mmh. Sartre, évidemment. Donc des gens qui avaient à la fois une œuvre, comme vous, mais aussi une notoriété. Est-ce que c'est ça le couple qui fait qu'on est un intellectuel engagé ? Alors, personnellement, je ne le souhaite pas pour moi, en tout cas. Ce que je souhaite être, c'est un philosophe engagé, et non pas un intellectuel engagé. La différence, c'est quoi ? C'est que l'intellectuel engagé, il a d'une part son œuvre, de physicien, d'écrivain, et puis d'autre part son engagement. Il peut y avoir un rapport entre les deux, mais l'un ne découle pas de l'autre. L'engagement ne découle pas du travail proprement, philosophique, littéraire ou de physique, de science. Moi, je dis oui, quelle est ma réserve à cet égard, et même l'idée que j'ai qu'il y ait une certaine. Que cette image, ce culte de l'intellectuel engagé est peut-être en partie périmée aujourd'hui. Je pense que l'époque, vous avez cité Sartre, l'époque qui va jusqu'à Sartre, Foucault, Bourdieu, en France en tout cas, est quelque part périmée parce qu'il y a toujours un risque quand on prend des positions d'engagement. Sans que ce soit totalement en rapport avec son propre travail intellectuel, qu'il y ait quelque chose qui se théâtralise, qu'il soit quelque chose qui fasse que, finalement, on prend position et, justement, on prend parti, on déploie, on développe une opinion grâce à l'acquis de sa notoriété, mais sa notoriété qui est acquise dans un autre champ que celui-là, qui est parce qu'on est un grand physicien ou un grand écrivain. Donc il y a quelque chose qui me paraît un peu frauduleux dans le fait que, au nom du prestige que j'ai acquis dans mon art, dans mon savoir, etc., je prenne une position proprement politique. Quelque chose qui me paraît pouvoir être, vous voyez, interrogé et souvent, et comme maintenant il y a quelque chose qui change avec l'époque de Sartre et même de Bourdieu, qui est l'immense médiatisation que nous subissons aujourd'hui, ça conduit à quoi ? Ça conduit à des intellectuels dits « engagés », je mets des guillemets, qui sont donc des agents de la com, c'est-à-dire des personnes qui, captant l'audimat là où il est, répandent des opinions dont on sait qu'elles seront bienvenues parce qu'elles caressent dans le sens du poil de l'idéologie, et qui permettent donc facilement un succès dit « engagé ». Donc de ça, je veux effectivement me détacher, ouvrir un écart, en pensant ce que pourrait être un engagement philosophique, c'est-à-dire à partir de ce que fait un philosophe, à savoir produire des concepts et poser des questions. Et dans ce travail des questions et des concepts, élaborer, si vous voulez, quelque chose qui soit de l'outil avec lequel, eh bien, effectivement, repenser le politique et le social. Donc, et c'est pour ça que j'ai, disons, fait prévaloir dans mon travail le concept de décoïncidence, parce que c'est un concept. Et la question, c'est de voir comment de ce concept peut se développer des pratiques, qui soient des pratiques aussi bien dans le domaine de l'art que dans le domaine, disons, de la science, vous l'avez dit pour la physique, mais aussi du politique proprement dit. Mais vous dites dans votre livre, François Julien, qu'il y a une différence entre la célébrité et puis la notoriété. C'est une affaire d'œuvre qui intervient dans la distinction qu'on peut faire entre les deux ? Et pire encore, ce qu'on appelle maintenant la visibilité. Ce qui me paraît pire encore. C'est quoi ça ? C'est le nombre de personnes qui vous suivent ? Non, je pense qu'avant, si vous voulez, il y avait, bon, jadis, si j'ose dire, parce que c'est fini, c'était la célébrité. Être célèbre par son œuvre ou dans l'histoire, c'était donc l'ambition, une façon de ne pas mourir. Notoriété, c'est peut-être moindre, c'est l'idée qu'on est connu, que le nom, voilà, s'entend. Soit qu'on insiste maintenant, et du fait des médias surtout, et des médias du visuel, c'est la visibilité. Plus de fois votre nom est cité, ou plus de fois il intervient sur les réseaux, ou et je crois qu'il y a quelque chose qui se devient de plus en plus superficiel. Je ne sais pas si la célébrité était une bonne chose, mais en tout cas la visibilité est c'est quelque chose qui n'a pas de consistance, puisque c'est uniquement le ressassement qui le fait prévaloir cette visibilité. Donc je pense qu'il y a quelque chose de dangereux, parce qu'on peut être visible et même acquérir beaucoup de visibilité sans avoir du tout pensé et même sans avoir agi. Il suffit que la rumeur le porte. La rumeur, l'opinion, donc quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est de l'ordre de la communication et non pas de l'intellection ou de l'élaboration, donc d'un travail qui serait politique ou autre. Mais vous dénoncez, par exemple, le fait qu'il y a, selon vous, un marché des idées. Mais est-ce que c'est bien nouveau, ça? Est-ce qu'on pourrait pas dire que des idéologies politiques, notamment, n'étaient pas déjà des espèces de foires à idées qui sont ensuite devenues des idéologies? C'est plus qu'un marché maintenant, c'est un marketing. Si je dis ça en anglais, c'est parce que c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il y a en fait, qu'il y ait, si vous voulez, des lieux de débat avec justement les effets d'écoute et de notoriété et d'approbation, ça c'est légitime. Est-ce que les sophistes d'Athènes n'étaient pas déjà en quête de cela? Certainement. Je veux dire que les sophistes, les Gorgias et compagnie, effectivement, cherchaient ça. Simplement, leurs moyens étaient des moyens qui ne dépendaient que d'eux, je dirais. Et de leur art, de leur rhétorique. Alors qu'aujourd'hui, les moyens sont comme des moyens techniques disproportionnés par rapport à ce qui est l'enjeu propre en termes de pensée, qu'il me semble qu'il y a là vraiment qu'il y a une coupure, qu'il y a un avant et un après. Prenez d'ailleurs, c'est tout simple, on le vérifie, quand vous prenez les noms importants de la philosophie il y a encore 20 ou 30 ans, c'était les noms de réels philosophes. Prenez aujourd'hui les noms de ceux qui sont les plus connus en philosophie au niveau médiatique. Pour moi, ce sont souvent des non-philosophes. Donc là, je crois qu'il y a un écart qui s'est creusé et qui fait apparaître que c'est les philosophes en tant que tels sont de moins en moins lus, par exemple. C'est beaucoup plus un régime d'opinion qui diffuse. Est-ce que c'est encore de la pensée? Je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui est plus une rumeur de pensée que de la pensée. Mais est-ce que la décoïncidence dont vous êtes l'avocat ne commence pas par une forme de dénonciation? Il faut avoir conscience que quelque chose doit être changé pour être invité ou poussé à décoïncider quelque chose par rapport à la situation. Oui, mais décoïncider se situe en amont de dénoncer. Je veux dire que dénoncer, c'est dire non. Non à ce qui se passe ou à ce qu'on voit et qu'on refuse. Là, ça manque pas de voix pour porter ce type de discours. Absolument. Décoïncider, c'est revenir un temps plus tôt. C'est défaire ce qui bloque. C'est donc faire passer le couteau en amont pour dissocier ce qui s'est installé, a sécrété son adéquation, est devenu coïncident, a fait obédience, ne cesse de générer son... Oui, cette évidence qui fait que ça ne s'interroge plus. Et donc, ça me paraît une opération plus radicale que dénoncer. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas dénoncer. Quand il y a une injustice, on la dénonce. Mais je crois que la philosophie, justement, permet de remonter un temps plus tôt. J'irais dénoncer, c'est le fait de tout le monde, de tous les citoyens. Une injustice se produit, eh bien, on s'émeut, on dénonce, et donc, c'est-à-dire qu'on dit non. Mais je pense qu'il est important, en tout cas, c'est la justification du philosophe, que d'intervenir un temps plus tôt pour essayer de défaire ce qui a conduit à cette nécessité ensuite de dire non ou de dénoncer. Qui est donc de défaire cette, ce qu'on appelle coïncidence, qui par une sorte d'adéquation qui s'installe et qui s'enlise, eh bien, bloque, fait obstacle à, disons, l'ouverture des possibles. Mais vous semblez dire dans votre livre, François Julien, que l'idée même de révolution est devenue une idée caduque. Qu'une révolution n'est plus possible parce que le système intellectuel qui permettrait de lui servir de soubassement n'existe pas. Et donc on est condamné soit à la passivité, soit à la révolte. Oui, je crois qu'il ne s'agit pas de dire que il n'y a pas de situation actuellement dans le monde qui ne justifierait pas une révolution. Ça, je ne dirais pas ça. Je ne pense pas que les temps soient meilleurs qu'auparavant. Simplement, je crois que ce qui a porté l'idée de révolution, précisément, c'est de pouvoir modéliser. Modéliser l'idéal qu'on projette sur le futur. Or, il me semble que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est bien cela. Et des deux côtés, il est de plus en plus difficile de modéliser en projetant sur le futur. Puisque le monde est, pour modéliser, il faut pouvoir isoler. Or, le monde est devenu de plus en plus complexe. Et donc, il est de plus en plus difficile de modéliser à cette échelle-là. La preuve, par exemple, la Covid, il y a 2 ans, on n'y pensait pas. Donc, il y a quelque chose qui est... Pourtant, il avait été prévu qu'il y aurait dans le futur des zoonoses. Oui, il y a des prévisions comme ça qui sont des prévisions lâches. Mais de là à pouvoir non seulement prévoir, mais modéliser, c'est-à-dire produire des modèles qu'on projetterait et qu'on appliquait, c'est autre chose. Donc d'une part, je crois que la complexité de la mondialisation, pour la nommer vite, empêche de pouvoir modéliser comme on l'a fait précédemment, comme on l'a fait pendant des siècles en Europe, puisque c'est en termes de modélisation, donc de théorie politique, qu'on envisageait l'action politique. Puis à l'autre raison, c'est que pour modéliser sur l'avenir, il faut croire à l'avenir. Or, il me semble que l'avenir est beaucoup moins consistant aujourd'hui qu'il y a des générations. Toute la pensée européenne s'est développée en pensant que l'avenir serait meilleur qu'aujourd'hui. Donc, on pouvait justement modéliser sur l'avenir, puisqu'on pourrait comme ça promouvoir un meilleur avenir. Or, aujourd'hui, cette consistance de l'avenir me paraît suspecte, parce qu'il y a... le réchauffement climatique, il y a plein de choses qui font que, ce désir d'avenir est beaucoup moins fort qu'il était auparavant. Ce qu'on a appelé le présentisme, c'est pas seulement qu'on se rabat sur le présent en disant, cueille le jour et vis au présent, une sorte de repli stoïcien, c'est qu'il n'y a plus de consistance d'avenir. Donc, s'il n'y a plus possibilité de modéliser, parce que le monde est devenu complexe, et s'il n'y a plus non plus conviction ou foi dans l'avenir, les lendemains qui chantent, alors, peut-on encore faire la révolution, même si l'état du monde est aussi injuste qu'aux époques où on a pu faire la révolution? Mais j'ai l'impression d'être d'accord avec vous, François Julien, mais en même temps, je me rappelle qu'il y a plus d'un an, on parlait beaucoup de l'effondrement, de la fin, non pas du monde, mais d'un certain mode de vie. Il y avait des collapsologues qui parlaient beaucoup de cette crise qui ne pouvait aboutir qu'à des formes diverses d'effondrement. Et puis pendant le confinement, alors qu'on était... dans la catastrophe, l'idée du monde de demain est venue remplacer l'idée de la fin du monde. Et les gens se sont posés la question, des revues, même des think tanks, des citoyens ont collaboré pour essayer de voir comment le monde de demain pourrait être différent en tenant compte des leçons qu'on était en train de comprendre de ce qui nous arrivait. On a même fait des associations. Oui. La preuve. Oui. Voilà. Et là, on a l'impression que le monde de demain qui était promis comme étant là au bout de la rue, en fait, s'éloigne, et on a plutôt le sentiment d'un enlisement que d'une sortie de crise. Oui. Alors, je crois que, de façon générale, j'essaie d'éviter les grandes dramaturgies. L'effondrement, pour moi, c'est une sorte de dramaturgie qui prend la suite d'autres. Il y en aura d'autres après. Je me méfierais aussi de la dramaturgie inverse. Celle qui est sur le mode de l'utopie. Donc tout ça me paraît idéologique. Et l'effort que j'essaie de faire, notamment dans le cadre de cette association des coïncidences, c'est d'essayer justement de décoïncider de ces visions idéologiques. Sont l'une est-elle meilleure que l'autre, je ne sais pas. Celle de l'effondrement ou celle, disons, de la nouvelle utopie. Mais ce qui me paraît, c'est que c'est une sorte de projection du désir. De peur, de désir, mais aussi de désir d'avoir peur dans l'effondrement. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dissocier de cela pour essayer d'opérer de façon peut-être plus modeste, moins incantatoire? Parce qu'évidemment, ce sont des termes qui sont faciles à prononcer et à divulguer et qui peuvent créer beaucoup d'écoute, l'effondrement ou alors son inverse. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de, là encore, de mythologie facile? Et est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de se dissocier de cela pour commencer à être dans l'effectif, à commencer d'effectuer. Et pour moi, la décoïncidence, ce qui en fait sa vertu, c'est qu'elle est d'emblée dans ce mode de l'effectif. Si je décoïncide, à la moindre échelle, déjà je suis en train de modifier un état de fait. Justement, l'idée de progrès, c'était démarquer de l'utopie. Croire au progrès, c'est configurer le futur à l'avance, donc, mais d'une façon crédible et attractive. Oui. Et alors que l'utopie, c'est penser à un autre monde dont on ne pose pas la question de savoir comment on pourrait le réaliser ou y avoir accès. Oui, mais l'idée de progrès, si vous voulez, est à prendre à deux étages. Il y a les progrès comme le progrès de la science, le progrès de la physique, je ne le mets pas en question. La question, c'est le progrès avec un P majuscule, quand ça devient idéologique. Et là, je crains que ce progrès-là ne rejoigne l'autre côté, savoir cette sorte de projection du désir qui en fait une bulle, qui en fait quelque chose qui serait aussi... à titre compensateur, à titre de substitution, par rapport à un réel dont on ne sait plus comment le gérer. Donc c'est ça qui me paraît, disons, pouvoir être équivoque, même fallacieux, et dont je souhaiterais me garder. Parce qu'au fond, je crois que ce qui enlise la politique, c'est d'une part, c'est qu'elle ne elle ne s'occupe plus que des rapports de force et de leur gestion, parce que justement, sinon c'est l'idéologique pure. Et je crois que ce à quoi nous sommes justement appelés, et de plus en plus urgente, et en France, et en Europe, et pour faire l'Europe, c'est justement se décoller un peu de ça. Mais là, on est en direct, excusez-moi, je tousse un peu. Ça fait longtemps que le mot progrès a perdu sa majuscule. Et même le mot progrès, avec la minuscule, est de moins en moins utilisé, ça peut se mesurer. C'est le mot innovation qui l'a remplacé. Oui. Et j'ose pas vous demander ce que vous pensez de l'innovation. Oui, alors je pense que il y a des domaines où le progrès, avec un petit p, modeste donc, s'impose. Genre, en science, il y a du progrès. Je veux dire, on en sait plus qu'avant. Le problème, c'est quand on en a fait, disons, avec un P majuscule, l'idée du progrès, comme au 19e siècle, à la fin du 19e, disons, cela a été une sorte de, voilà, d'idéologie globale. De philosophie de l'histoire. Et ce qui m'intéresse d'autant plus que c'est le moment où justement l'Europe et la Chine se sont rencontrées pour une seconde fois, après l'émission à travers la guerre de l'opium, et les Chinois étaient étonnés de cette idée du progrès européenne. Donc elle était à son sommet en Europe, fin 19e, et eux se sont dit, c'est ce qui nous manquait. C'est l'idée qui nous a manqué. On était dans le processus, donc dans la régulation, la transformation, mais pas dans l'idée du progrès, c'est-à-dire d'une sorte d'ascension. Donc vous avez une réflexion très intéressante, fin 19e, début 20e en Chine, qui était d'ailleurs un des biais pour lesquels la Chine a dû emprunter à l'Occident, comme on dit, c'est cette idée du progrès. Alors effectivement, l'idée du progrès étant décrue, pour donner suite à cette idée d'innovation, avec là aussi un mot que tout le monde a à la bouche, et dont je me demande s'il est vraiment si convaincant. Parce que l'innovation repose sur l'idée d'une sorte de début premier. Or, je ne crois pas vraiment au début premier. Je ne crois pas à la pure initiative. Je ne crois pas à ces effets d'émergence comme ça, en rupture forte avec le passé. La décoïncidence dit l'inverse. La décoïncidence dit qu'il n'y a pas de début. Que le début, c'est justement, c'est défaire ce qui a précédé. Je crois que le Big Bang, c'est pour nous ramener de ce côté-là. À savoir que, en tout cas, quelqu'un l'a dit magnifiquement, c'est Lucrèce, avec le fameux Clean Amen. C'est qu'au début du monde, il y a quoi? Eh bien, l'atome qui tombe comme ça en chute libre, comme la pluie, et qui donc, s'ils tombent verticalement comme ils doivent le faire, ne se rencontrent jamais. Il n'y a pas de monde. Il faut donc qu'il y ait cette légère déviation, clean amen, je dirais, des coïncidences, pour que justement, quelque chose, un atome rencontre un autre, fasse un choc, qui permette de, que quelque chose commence à se produire, et disons, un monde en résulter. Donc il me semble que ça pose une question essentielle et philosophiquement qui est celle du début premier. Et l'innovation, je crois, nous remet encore en scène cette idée d'un début qui pourrait comme ça émerger en innocence, dans sa virginité. Je crois que là encore, c'est un peu une sorte de substitut idéologique par rapport à ce qu'on pourrait penser comme étant justement quelle est la possibilité d'un début. Mais prenez un artiste. Un artiste crée, donc on dirait fait du début, en décoïncidant de l'art précédent. Je veux dire, Cézanne ne cessait d'aller au Louvre, en même temps qu'il disait « brûler le Louvre ». Mais je crois donc qu'un artiste qui est l'exemple même de l'innovation, disons, spectaculaire même, parce qu'il fait comme œuvre, eh bien, la création de l'artiste, elle procède d'une décoïncidence. Elle procède d'une capacité, et dès les Grecs, dès les premiers artistes... C'est-à-dire qu'ils n'inventent pas l'art. Dès Lascaux, non, on n'invente jamais l'art. Je veux dire, ce qu'on fait, c'est qu'on défait quelque chose... Et c'est se défaire cette coïncidence qui s'enlisait, qui permet de faire émerger à nouveau frais. Il me semble donc qu'il faut renoncer un peu à la mythologie du premier, de l'arché, comme disaient les Grecs, le commencement, commandement. Et si on renonce à l'arché, commencement, commandement, premier mot du vocabulaire d'Aristote, on renoncera aussi au telos, à la fin. Et il me semble qu'au fond, il y a une sorte de commodité, de facilité, en pensant en termes de commencement, premier, absolu, ou de fin dernière. Et qu'est-ce qui est à gérer? C'est pas seulement l'entre-deux. C'est justement ce qui n'a pas de début premier et qui n'a pas de fin dernière. Et qui procède justement des coïncidences, recoïncidences, processuellement. François Julien, vous connaissez bien l'émission, vous êtes déjà venu. Vous savez qu'on passe un morceau de musique choisi par l'invité. Et j'ai l'impression qu'en la matière, vous ne décoïncidez pas beaucoup de vous-même. À chaque fois que je vous invite, vous choisissez un morceau de Debussy. Non, c'est pas le même. Vrai. C'est pas le même, mais c'est toujours Debussy. C'est pas le même, immense. Et puis j'avais dit soit Debussy, soit musique de la Renaissance. J'avais laissé un choix, mais je voulais quelque chose qui nous, voilà, nous écarte un peu de l'ambiance actuelle. Donc c'est un extrait des Images oubliées, interprété par Aldo Ciccolini au piano. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. François Julien, nous sommes en direct, vous avez choisi d'entendre cet extrait des Images oubliées de Debussy. Comme à chaque fois c'est Debussy, il y a sûrement une raison d'un tel choix. Et pourquoi ce morceau en particulier? Parce que ce n'est pas grandiloquent, ce n'est pas ressassant, cette variation discrète, légère, on est plutôt dans le minimal. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de légèreté, mais au sens vrai, au sens fort du terme, au sens consistant du terme, et dans une époque qui est un peu lourde, ou un peu atonique, enlisée justement, je trouve qu'il y a quelque chose là qui est un jeu léger, subtil, en même temps entraînant, bref, quelque chose qui remet de l'alacrité dans ce qui est un peu gris aujourd'hui. On en revient à votre livre sur la décoïncidence. Vous dites dans ce livre, vous écrivez une phrase qui est quand même assez radicale. Vous dites « La coïncidence, c'est la mort ». Alors que moi, j'aurais tendance à penser que la coïncidence, c'est au contraire l'équilibre, la stabilité, le calme, l'invariance. Donc la mort. L'ennui, pourquoi pas. L'ennui mortel, mais la mort, c'est beaucoup. Oui, immortel comme mort, oui. Si vous voulez, je crois que coïncider, si on le prend au sens premier, coïncider, c'est donc le parfait recoupement de l'un par l'autre. Donc une adéquation. Adéquation, adaptation de l'un par l'autre. Alors effectivement, quand les choses collent, on dit c'est bien. Oui, c'est le confort. Simplement, plus rien ne se passe. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus l'interaction, il n'y a plus le travail. Donc je crois qu'effectivement, Quand les choses coïncident, eh bien, ça colle. On est satisfait. Si on revient à ce terme, on s'enlise dans une adéquation facile. Et on perd le négatif qui travaille, qui pourrait travailler. Le négatif est comme ça, bloqué, contenu, défait. Donc je crois que, alors, effectivement, la sagesse a dit souvent que la coïncidence, la coïncidence, c'était la sagesse, c'était la vie. En plus stoïcien, coïncider avec le présent, ou... Connais-toi toi-même aussi. Oui, l'art classique, la fameuse coïncidence par ressemblance. C'est pas qui a quand même été le... Simplement, cette coïncidence par ressemblance, c'est un tombeau. Et les grands artistes, y compris du passé ou du lointain passé, ont toujours en fait décoïncidé. Sinon, c'est l'art académique. Sinon, c'est quelque chose qui n'est plus inventif. Donc je crois que effectivement, on est devant ce constat que quand les choses coïncident, donc que ça colle, donc qu'on croit que ça ne marche plus. Et donc, il faut être dans le soupçon de ce qui, justement, parce que c'est adéquat, et souvent adéquat parce que c'est adapté, c'est le grand soupçon nietzschéen. Vos adéquations ne sont que des adaptations, c'est le grand cri de Nietzsche à l'égard de l'adéquation vérité. Ce que vous prenez pour une adéquation n'est qu'une adaptation, et donc justement il faut fissurer. Pour moi c'est le terme important, ces adéquations qui en imposent en quelque sorte, et qui par là bloquent les possibles. Fissurer, alors c'est un terme modeste, mais c'est le terme de la décoïncidence, c'est-à-dire, oui, fissurer, fêler ce qui, dans ces adéquations qui sont satisfaites et qui s'enlisent dans leur positivité. Et la positivité, c'est ce dont on meurt. À preuve, les religions positives. D'ailleurs, vous citez Solzhenitsyn qui disait « c'est quand même avec des fissures que commencent à s'effondrer des cavernes ». Oui, je crois que c'est important parce que c'est un bon rappel à l'ordre. C'est pas donc dans la grandiloquence, dans l'arrogance, dans la proclamation. C'est dans ce discret de la fissuration. Mais les fissurations, elles peuvent se relier. Elles se ramifient, elles se relient. Et c'est par cet effet d'association qu'elles sont puissantes. Et discrètement puissantes, mais justement, l'histoire est peut-être plus faite de ces fissurations discrètes, mais qui se relient. Voyez comment est tombé le mur de Berlin, que dans l'événementiel le plus tonitruant, qui est souvent spectaculaire. Et Il s'est fissuré bien avant sa chute. Bien sûr, mais tout se fissure par sa chute. Prenez notre révolution de 89, voyez toutes les fissures qui ont précédé. Je veux dire finalement, l'événement n'est que l'événement sonore, l'affleurement sonore de toutes ces fissurations discrètes qui ont travaillé. Et je crois que justement, ce qu'on peut gagner par la philosophie et l'engagement de la philosophie, c'est remonter à ce temps d'avant, celui des fissurations possibles, pour commencer justement à fissurer ce qui sera conduit sinon à tomber trop brutalement, et de façon beaucoup plus, coûteuse. Alors François-Julien, c'est une sorte de maladie chez moi, mais j'ai essayé de trouver l'anagramme de la décoïncidence, et la coïncidence veut que ce soit l'anagramme de décadence indocile. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça veut rien dire? Est-ce que c'est au contraire une illustration de ce que vous voulez dire? Indocile, je le garde. Décadence, non. Bon, je vais couper en deux. Par contre, vous parlez de repli. Vous dites que la France est en repli. Ah oui, mais c'est pas décadence. Parce que décadence, justement, c'est remettre de l'idéologie. C'est réinscrire ça dans quelque chose qui est grandeur et décadence des Romains. Or, on sait très bien, j'aime beaucoup Montesquieu, mais que les Romains de la décadence n'étaient pas du tout décadents. Au contraire, le monde romain du Bas-Empire était un monde extrêmement... au travail, en gestation. Bon, mais il y avait les grandes invasions qui menaçaient. Je crois que décadence, c'est réinscrire dans l'idéologique, c'est ce dont je me défie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a en France une rétraction des possibles. C'est-à-dire que, et qui se fait sans même qu'on se rende compte, qu'on l'analyse, c'est-à-dire que progressivement, il y a cette sorte de rétraction, comme le très beau roman de Balzac, La peau de chagrin, n'est-ce pas? La peau de chagrin se réduit de jour en jour, et on respire ça comme l'atmosphère, donc on s'y fait sans même l'interroger. Et ça se passe quasiment à notre insu. Décadence et même déclin réinscrit ça dans l'idéologique. Le déclin, c'est le déclin des astres. La politique n'est pas de cet ordre. La décadence est un jugement moral. Comme Montesquieu écrit « Grandeur et décadence des Romains », c'est qu'il juge que les Romains étaient décadents parce que, il avait lu Pétrone ou Juvénal et qu'il pensait que les Romains passaient leur temps dans des banquets de façon consacrée à leur seul plaisir, à l'opposition du Romain de la République qui était, lui, vertueux. Mais ça, c'est plutôt des images d'Épinal. Donc il faut se méfier, je crois. Et ce, je tiens ce concept de décoïncidence parce que justement, il essaie de s'écarter des mythologies. C'est-à-dire en fait des effets d'idéologie comme ça qui sont collectivement assimilés. Donc vous parlez de la décoïncidence comme d'un concept, mais est-ce que ce concept peut s'incarner ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités qui sont des grands décoïncidents ? Alors j'allais vous dire, tous ceux qui ont été grands sont des décoïncidents. De Gaulle, Simone Weil. Oui, mais je dirais Socrate le premier. Socrate, au fond, qu'est-ce qu'il fait pour la philosophie ? Il décoïncide. Il y a l'opinion athénienne, disons, d'après la guerre du Péloponnèse, donc un peu comme la France d'aujourd'hui, en retrait, en rétraction, en enlisement. Et Socrate, c'est quelqu'un qui décoïncide des opinions, du temps, et qui, par indocilité, par impertinence, eh bien, relance la pensée. Donc Socrate est un grand décoïncident. Moi, j'aime beaucoup Rousseau parce que c'est un grand décoïncident. Voltaire n'est pas décoïncident. On fait son éloge actuellement partout parce que bon, il est censé, c'est un bon bourgeois qui a, disons, opté pour la tolérance. Mais disons, Rousseau, lui, est un décoïncident à tous égards. Je veux dire, perdant sa mère à sa naissance, c'est déjà une grande décoïncidence, ça. Ne pas avoir le giron maternel ou le sein maternel, c'est une décoïncidence forcée, certes. Mais c'est pas volontaire, voilà. Oui, c'est forcé, mais oui, c'est déjà bon. Et puis des coïncidences par son milieu, par ses errances, tout ce qui fait qu'il n'est pas passé par les jésuites, mais qui s'est formé autrement, et qui fait qu'effectivement il y a une création par Rousseau qui est issue de la décoïncidence qu'il a inscrite dans la langue française. Dans la pensée de son siècle. Oui, Simone Weil est une grande décoïncidente, on le constate aisément. Je crois que au fond, c'est on est grand qu'autant qu'on décoïncide. Et les grands artistes sont grands à la mesure de la décoïncidence qu'ils ont introduite. Décoïncidence par Gauguin, par Cézanne, pour la peinture, mais décoïncidence à tous égards. Je crois que c'est effectivement, dans la mesure où je peux fissurer ce qui est acquis, donc installer ce qui sécrète autant de positivité et d'évidence, et donc d'obédience, c'est en fissurant ça que je peux ouvrir par écart de nouveaux possibles. Et c'est ces nouveaux possibles qui permettent, qui sont effectivement nouveaux possibles, qui ne sont pas comme ça prédits, mais qui découlent de la fissuration précédente et qui sont effectivement productifs. Effectivement, qui redonne une initiative. Il y a un exemple en physique très célèbre, c'est Paul Dirac, un physicien britannique dans les années 30. Votre favori. Oui, il a fait décoïncider le vide de l'idée de vide. Et il a pensé un vide qui est non pas un espace débarrassé de tous les objets qu'il contient, mais au contraire un lieu saturé de matière, un fond truffé de particules, d'électrons en l'occurrence, c'est-à-dire un vide ultra plein, capable de nous approvisionner en particules, ce qui lui a permis de prédire l'antimatière. Okay. Donc là, il a été productif. Mmh. Mais je pense que les décoïncidences sont toujours productives. Alors, elles sont plus ou moins puissantes. Les fissures sont, disons, tout dépend où elles peuvent s'insérer et qu'est-ce qu'elles font travailler. Mais je crois, si vous voulez, que à l'encontre du grand mythe d'une création ex nihilo, ce que disait déjà le Klinamen chez Lucrèce, c'est qu'au fond, ce sont des fissurations discrètes qui commencent à préparer le terrain et qui commencent non seulement à préparer le terrain, mais de rendre possible l'émergence d'un effectivement nouveau. Non pas un nouveau projeté, donc satisfaisant idéologiquement, mais un nouveau effectif, c'est-à-dire qui bouge la situation des choses. Alors venons-en à la politique, François-Julien, puisque ce concept qui est maintenant clairement défini, me semble-t-il, il faut le faire travailler dans le champ du politique. Alors ça donnerait quoi ? Vous faites allusion à la situation de la France dans votre livre, à celle de l'Europe. Parlons de la France, vous parlez beaucoup des grandes vacances, enfin des vacances en général, qui sont une invitation pour chacun d'entre nous à décoïncider avec la vie ordinaire, mais vous dites qu'elle s'enlise au contraire dans une forme de coïncidence systématique qui lui fait perdre cette vertu. Je pense qu'il y a de grandes coïncidences idéologiques en France aujourd'hui qui enlisent la vie politique en France, et la France en général. Prenons par exemple ce qui n'est qu'aujourd'hui, c'est pas la précaution. C'est comme le progrès. Qu'il y ait des précautions, comme on dit qu'on se lave les mains, très bien. Mais la précaution est devenue une sorte, avec un P majuscule, comme le progrès avait un P majuscule, la précaution est devenue une sorte d'idéologie coïncidente. Et le problème de la coïncidence, Quand une idée devient coïncidente, c'est qu'elle n'est plus réfléchie. C'est ça qui est le problème. Elle est collectivement adoptée, assimilée, elle paraît une évidence, elle sécrète une obédience et elle n'est plus réfléchie. Prenez les grands mots aujourd'hui de notre discours dit politique, la précaution, la résilience par exemple. Tout le monde a ça à la bouche. Eh bien, il me semble que la résilience, dès lors qu'elle devient coïncidence idéologique, n'est plus réfléchie. Donc, n'a plus la vertu du concept que le concept avait à son départ. Et tout le monde maintenant parle de résilience à tout moment, n'est-ce pas ? C'est une sorte de coïncidence idéologique, comme une bulle, comme ça, d'adhérence, d'obédience qui s'impose à nous et qui n'est plus pensée. C'est ça qui me paraît grave. Mais si on prend la précaution, ou plus exactement le principe de précaution, tel qu'il est dans la Constitution... Tant qu'il est principe, oui, il est effectif. Mais dès lors qu'il devient... coïncident, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une idée qui s'impose collectivement et qui suscite une adhésion, une adhérence, une obédience collective qui n'est plus réfléchie. Mais ce que je voulais dire, c'est c'est plutôt qu'il a un sens double. On invoque la précaution pour réduire les dangers, mais on l'invoque aussi pour réduire l'anxiété. Or, les mesures qu'on prend pour diminuer les dangers ne sont pas les mêmes que celles qu'on prend pour réduire l'anxiété. Non, d'autant plus que précaution, il faut distinguer les termes. C'est ni prudence, ni prévoyance. Précaution est devenue, c'est un terme qui, en tant que tel, a sa pertinence. Le problème, c'est quand on en fait, avec un P majuscule, quelque chose qui devient, justement, une coïncidence, c'est-à-dire une idée collectivement assimilée, non pas seulement adoptée, assimilée, qui fait qu'elle sécrète une évidence aboutissant à ce que cette idée n'est plus réfléchie. Et donc, qu'elle mobilise par obédience. Ce qui me paraît détruire le politique. Parce que ça fait une politique d'adhérence. Obédience, adhérence, etc. Pire que l'obéissance, l'obédience. Et je crois que là, c'est effectivement mortel. Alors, je pense qu'il y a comme ça de... Alors, vous me parlez des vacances. Vous qui en parlez. Oui, alors j'en parle. Parce que je pense que les vacances, partir en vacances, c'est donc, on est invité à décoïncider. Partir, c'est décoïncider, changer de mode de vie, c'est donc fissurer et défaire, disons, le mode de coïncidence dans lequel on vivait précédemment. Donc, vertu. Simplement, ce que je vois, pour dire la chose, mais c'était une pointe, c'est pas plus que cela, mais c'est qu'effectivement, il y a une sorte de coïncidence des vacances en France, ou, disons, une sorte de sacralisation, une sorte de positivité imposée. Je veux dire, je sais pas si le mois de mai en France est tellement vivable avec tous ces ponts. On n'y touche pas parce que on peut pas y toucher. Et cet intouchable-là, alors je sais que si je dis ça, je vais faire hurler. Mais néanmoins, il faut aussi parfois oser dire quelque chose parce que sinon, il y a plus d'engagement. C'est que je pense que il y a quelque chose qui devient une sorte de positivité idéologique qui n'est plus réfléchie. Ça, j'appelle coïncidence et qui me paraît, disons, avoir des effets néfastes en politique. De la vacance des grandes valeurs est née la valeur des grandes vacances. C'est ça que vous êtes en train de dire. Les grandes vacances sont bonnes, elles sont bonnes dans ce terme grand. C'est vrai que des grandes vacances, c'est l'idée qu'il y a des vacances, qu'on croit comme ça, quand on entre dans ces grandes vacances, on dit, oh là là, j'en ai pour des jours et des jours. C'est très bien ça. Le problème, c'est quand, collectivement, c'est bien l'aspect collectif, et je distingue collectif et commun. Je suis pour la promotion du commun, qui ne soit pas le collectif. Parce que le collectif devient grégaire, et devient donc le lieu de l'irréflexion généralisée. C'est ça qui est grave. Donc je crois, si vous voulez, que dès lors que les vacances sont un thème intouchable, que le mois de mai étant pulvérisé en petits fragments et qu'on ne sache plus que faire de cela, et qu'il y ait des jours où on s'ennuie en vacances, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui devient dangereux parce que c'est le fait qu'on ne puisse plus réfléchir qui m'inquiète. Je veux dire, la question des vacances, comme toutes les questions qui sont des enjeux vrais, devrait pouvoir être réfléchie de bout en bout. Alors que quand une telle idée devient collectivement adoptée, suscite une adhésion, plutôt une adhérence collective, elle n'est plus réfléchie et elle est donc en pâture au ressassement médiatique. Et ce ressassement médiatique, eh bien, on l'a suffisamment vécu depuis un an, on voit à quel prix il rend la vie justement atone et disons, nous, non seulement nous enlise, mais on bêtifie. Mais alors, si vous entrez en politique, François Julien, comment il faut faire? Quelles sont les mesures à prendre? Quels sont les discours à tenir pour que cette décoïncidence que vous réclamez soit effective? Est-ce que c'est dans la façon de parler? Est-ce que c'est l'abandon de la langue de bois, par exemple? Dont l'anagramme est gnose audible. Ce qui lui va bien. Oui. Pour le coup, ça coïncide. Ça coïncide, oui. si vous voulez, la vertu, je crois, du concept de décoïncidence, c'est qu'il ne passe plus par le rapport théorie-pratique. Parce que la question que vous me posez, c'est alors quelle est la praxis de cette fameuse décoïncidence? Mais justement, c'est ça qui change par rapport à la façon dont on a conçu le politique depuis les Grecs, à savoir, on modélise la forme idéale, eidos, qu'on projette sur la société, et on va la mettre en œuvre. Justement, la révolution, théorie, pratique. Or, justement, la décoïncidence est d'emblée effective. Elle ne passe plus par le rapport théorie-pratique. Donc, elle ne pose plus de commencement premier, ni de fin dernière. On ne projette plus des fins. On veut rouvrir des possibles. C'est autre chose. Et donc, on ne passe plus par le rapport théorie-pratique, modélisation-application. On est d'emblée dans l'effectif. Donc, la moindre décoïncidence est déjà effective. Par exemple, si quand j'écris, je ne reste pas à la langue des textos, je décoïncide. Je réactive des possibles à la langue française. Je suis dans la décoïncidence. Donc c'est quelque chose qui se fait minimalement. Si par exemple, quand je suis avec mes amis étrangers, je ne suis pas dans une sorte de globiche facile, de commodité, soi-disant de communication, mais si j'écoute la langue de l'autre, quitte à lui répondre dans ma langue, et si on traduit, en traduisant, on décoïncide. On décoïncide d'une sorte de globiche qui ne pense plus, qui est une sorte de langue collective, grégaire, qui ne se réfléchit plus, et qui en lisent. Mais justement, on dit souvent que la traduction est la langue de l'Europe. Donc l'Europe, c'est le lieu de la décoïncidence par nature, on pourrait dire. Oui, je pense que c'était la vertu de l'Europe, cette capacité d'activer du négatif. Si je compare notamment, j'aime pas le mot comparer, mais si je mets en regard avec la tradition chinoise, par exemple. Mais il me semble qu'effectivement, la France a à décoïncider politiquement de ses grandes coïncidences idéologiques. Je pense que l'Europe a à décoïncider de l'époque précédente. Moi, je plaide pour une seconde vie de l'Europe, au sens de second, c'est-à-dire, non pas deuxième, mais second, ce qui vient après, et qui se décale, ouvre un écart par rapport à ce qui a précédé. Et il me semble qu'il faut effectivement que l'Europe décoïncide d'un premier temps de l'Europe, qui était l'Europe d'après la guerre, l'Europe, disons, de la paix, l'Europe de l'union économique, l'Europe de, disons, qui a conduit à des choses absolument positives, y compris Erasmus, y compris ce qui a été cette mobilisation européenne, mais qui actuellement tourne court ou s'essouffle. En tout cas, se trouve, disons, de plus en plus menacée. Et il me semble qu'il faut donc, ouvrir un second temps. Alors là encore, c'est pas la grande révolution. Simplement, c'est se décaler. Défaire les positivités installées en Europe. Par exemple, Bruxelles, n'est-ce pas ? Bruxelles, c'est quand même un bureaucratisme installé dans sa positivité. Donc, comment fissurer cela pour remettre en mouvement, rouvrir du possible ? On dit souvent un pas de côté, mais un pas de côté, c'est pas suffisant pour dire ce qu'est la décoïncidence. C'est pas seulement, de même que la coïncidence, c'est pas seulement du cliché. C'est une forme d'adéquation qui est assimilée et qui donc sécrète une sorte d'évidence, qui est une pseudo-évidence, et qui conduit à ce que ce soit plus réfléchi. De même, il s'agit pour l'Europe, je crois, de justement faire le bilan de ce premier temps de l'Europe, qui a été comme tel probant, qui a été comme tel, disons, un vrai progrès. Peut-être pas un P majuscule, mais en tout cas un progrès effectif dans l'histoire, simplement qui s'essouffle, qui s'épuise. Moi, je pense beaucoup en termes de ressources. Et donc, il faut faire ce bilan-là pour voir comment, justement, se décaler de cela, défaire les positivités installées, je ne dis pas en plus la bureaucratie européenne en est une, pour pouvoir, justement, rouvrir du possible, remobiliser, donc sortir de leur irréflexion par assimilation collective, de nouveau l'initiative, parce que de dire, il faut faire l'Europe, comme une sorte de vœu pieux ou de... C'est pas suffisant aujourd'hui, on le sait bien, pour remobiliser effectivement quelque chose qui est nécessaire dans l'histoire, qui est l'Europe, parce que face aux empires qui se constituent en dehors d'Europe, l'Europe non seulement doit se remobiliser, mais elle peut apporter à l'histoire aujourd'hui, parce qu'elle a connu l'empire précédemment, elle sait ce que c'est, elle sait ce que ça coûte, et elle n'en veut plus comme avant. Donc l'Europe peut apporter si elle ne meurt pas, et là, c'est là notre responsabilité, si elle ne se défait pas, elle peut apporter justement de nouveau de l'initiative dans l'histoire du monde, face aux empires qui aujourd'hui prospèrent, mais comme on sait, c'est pas pour longtemps. Là, vous parlez d'histoire, et vous écrivez dans le livre que l'histoire de l'homme, selon vous, est celle d'une décoïncidence d'avec la nature. Et c'est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, l'homme s'est pensé comme un être d'antinature. Non pas qu'il soit contre la nature, mais comprenant ses lois, il est capable de lui échapper, d'être transcendant par rapport à elle. Là, c'est plus que ça. Mais là, on est justement, on parle plus beaucoup de nature, mais beaucoup d'environnement. Est-ce que ça veut dire que cette séparation, cette décoïncidence est en train de se refermer et on comprend que nous sommes des êtres naturels, finalement, la Covid, enfin le coronavirus nous a ramené à notre socle biologique et comme nos ancêtres, nous nous sommes confinés. Oui, je ne sais pas si je vous suis très loin dans cette voie-là. Ce qu'il me semble, c'est qu'au départ, ce dont vient l'homme, c'est de la décoïncidence. De même que Lucrèce met le clinamen, cette légère déviation des atomes, au départ des mondes, je dirais que l'homme est finalement s'est promu en homme en décoïncidant du règne naturel. Et donc, il s'est ouvert un possible, nouveau, qui est se tenir debout, parler, penser, ouvrir une histoire. Donc, au fond, l'homme vient d'une décoïncidence avec la nature, ce qui le distingue des autres animaux, des autres êtres vivants. Il s'est donc ouvert un destin propre, il s'est donc ouvert un possible inouï. Un destin propre, mais pas autonome. Non, ben non, propre, parce qu'il y a du propre. Il y a du propre, c'est-à-dire il y a du singulier qui promeut, c'est ça qu'on appelle propre. C'est pas propre de la propriété. C'est simplement que l'homme a fêlé quelque part la nature et dans cette fêlure a promu un possible nouveau, encore une fois, en parlant, en pensant, d'abord en se tenant debout, bref, en s'ouvrant une histoire, celle de l'homme. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible, la première page de la Bible. Au fond, Adam et Ève, c'est quoi ? L'histoire de la pomme, c'est une décoïncidence. Je veux dire, en mangeant la pomme, ils ont décoïncidé du paradis de l'Éden. Et ils ont ouvert un possible, douloureux certes. Parce que l'adéquation, c'est commode. Dans le paradis, ça baigne. Alors je sais que si on est théologien, on peut lire ça différemment. Mais disons, si je lis ça du point de vue de la tradition un peu banale, et je pense que c'est important sur la première page de la Bible, qui n'est pas la première, mais qui est la première en fait, à savoir le jardin d'Éden, et le paradis qui est une coïncidence où ça baigne, et cette fissuration, c'est pas le mal. C'est ce négatif qui remet à l'œuvre, qui ouvre du possible. C'est cette fissure première, manger la pomme, qui fait que quelque chose se défait d'une adéquation première, ou peut-être on s'enlisait, je sais pas, mais j'ai pas vécu à cette époque-là, mais j'imagine le contexte, et pour s'ouvrir un possible nouveau, qui est celui d'une nouvelle histoire, enfin celle de l'homme. Bon. Donc si vous voulez, je crois que quand je disais ça, c'est pour dire simplement qu'à mon sens, l'homme, c'est pas avec un H majuscule, c'est, disons, ce qui s'est promu comme homme par des coïncidences avec le règne de la nature et donc par dissidence avec l'animalité telle qu'elle est par ailleurs. Alors maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'on vit ? On vit un désir de recoïncidence. C'est-à-dire parce qu'on a, vécu et souffert et puis qu'on s'inquiète des conséquences de cette décoïncidence ouverte par l'homme vis-à-vis du milieu naturel, donc du global écologique. Et on souhaite évidemment pouvoir, je ne pense pas recoïncider, parce que c'est impossible, mais on souhaite pouvoir, ou alors ça devient une idéologie très suspecte, mais disons, trouver un décoïncider de notre décoïncidence, pour trouver justement un mode, un modus vivendi avec la nature, qui permette, disons, des régulations dont on sait maintenant qu'elles sont nécessaires. Donc c'est mais il faut toujours décoïncider de sa décoïncidence. Parce que sinon, on s'enlise à sa décoïncidence et on sécrète une nouvelle positivité. Donc ça veut dire qu'il faudrait décoïncider avec certains modes de vie, par exemple. Oui, certains modes de vie qui sont devenus très coïncidents. Voilà, à propos du Covid, l'avion s'imposait partout, etc. Donc qu'on puisse, si vous voulez, y jouer, vivre, c'est décoïncider sans cesse. Donc, il n'y a pas une décoïncidence qui aurait abouti et après c'est fini, le résultat est gagné. Non. On voit bien chez un artiste. François Julien, le temps qui passe nous amène à un horaire qui coïncide avec celui de la fin de cette émission. Donc, je vous remercie d'être venu. Je recommande la lecture de votre livre Politique de la décoïncidence. Merci, c'est une lecture très enrichissante. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration efficace de Thierry Beauchamp, à la technique Julien Calvas, que je remercie, et à la réalisation, bien sûr, Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.